One Qibla présente Comprendre le Coran. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd, frères et sœurs en islam, bienvenue à une nouvelle séance de l'étude de tafsir de sourate An-Najm, comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On est arrivé à la ayah numéro 44 dans laquelle Allah azza wa jal il dit wa annahu huwa amata wa ahya, et que c'est lui et seulement lui qui a donné et causé la mort ainsi que la vie. Amata wa ahya, ça fait référence au passé, tout comme adhaka wa abka, il a fait rire et il a fait pleurer. Aussi c'est lui subhanahu wa ta'ala qui a fait mourir et qui a fait vivre subhanahu wa ta'ala. Tout comme dans sourate Al-Mulk par exemple, lorsque Allah azza wa jalla il dit الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. Allah Azza wa Jalla, c'est lui le créateur de la mort ainsi que de la vie. La vie et la mort sont entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Il n'y a personne qui contrôle la vie et la mort à part Allah subhanahu wa ta'ala. C'est parmi les choses, encore une fois, qui reviennent au sens de tawhid. C'est pas des choses qu'on attribue à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. قال الواحدي المتقدمون من المفسرين حملوا هذا على الإماتة في الدنيا والإحياء للبعث. Donc ici, الواحدي nous dit que le tafsir traditionnel de base de cette ayah, c'est la vie. Allah Ta'ala nous a créé, nous a accordé la vie. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, il a créé la mort. On va mourir. Mais aussi plus spécifiquement, pourquoi ça a commencé par amata wa ahya? Il a fait mourir et il a fait vivre. C'est parce que ça parle aussi de la vie, de la deuxième vie, là, quand on sera ressuscité pour Al-Hisab. Mais là, il a dit « Al-muta'akhiruna minhum dhakaru wujuhan ukhra ». Les ulamas plus antérieurs, ils ont mentionné d'autres tafsirs intéressants qui ne sont pas nécessairement contraires à ce tafsir. « Amat al-aba wa ahya al-abna ». Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a fait mourir les parents et qui a fait vivre les enfants. Un enfant, il vient de ses parents. Ses parents étaient en vie et c'est à travers leur vie que lui, il a eu la vie. Mais après ça, Allah Azza wa Jalla, il enlève la vie des parents, il leur donne la mort et reste la vie de l'enfant. Wa annahu amata an-nutfata wa ahya an-nasama. Donc an-nutfa, on va parler de ça dans un petit moment inshallah ta'ala, c'est la goutte de sperme qui est à l'origine de l'existence de l'être humain. Allah Ta'ala, il a fait mourir cette goutte et à partir de ça, il a accordé la vie à l'âme. Wa ahya an-nasama wa amata al-kafira bil-kufri wa ahya al-mu'mina bil-iman. Allah Ta'ala, il a accordé la mort au kafir par le kufr, par la mécréance. C'est la mort spirituelle entre guillemets. Et Allah Azza wa Jalla, il a fait vivre le croyant par la foi, par l'iman, parce que la foi, elle est nommée, elle est considérée comme une vie dans le Coran, Al-Karim. وَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ. La foi, la connaissance d'Allah Azza wa Jalla, et ainsi de suite. Ayah numéro 45, donc tout ça ici, ça parle de quoi? Des opposés. أَضْحَكَ وَأَبْكَ أَمَاتَ أَحْيَى. Ayah numéro 45. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى. Et que Allah Ta'ala, c'est lui qui a créé les deux composantes d'un couple, d'un zawj. On appelle ça zawj, c'est le couple. Zawjaini, c'est les deux composantes du couple. Le mâle et la femelle. Al-dhakar wa al-untha. Munasabatu l'intiqal ila hadhihi al-jumla anna fiha kayfiyat ibtida' al-hayat. Allah Ta'ala, il a mentionné ça après avoir mentionné la vie et la mort. Parce que la vie, Allah Ta'ala, il l'a créée à partir d'un mâle et d'une femelle, d'un père et d'une mère. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dans sourate Yassine, il dit subhanahu wa ta'ala, subhana alladhi khalaqa al-azwaj kullaha mimma tunbitu al-ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Azwaj, les couples. Et aussi dans sourate Adh-Dhariyat, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. قال الشوكاني المراد بالزوجين الذكر والأنثى من كل حيوان ولا يدخل في ذلك آدم وحواء فإنهما لم يخلقا من النطفة. Donc là, l'imam Shawkani, il dit que le mâle et la femelle dans cette ayah, c'est général. Ça parle de toutes les créatures vivantes, incluant les animaux, pas seulement les êtres humains. Mais Ibn Ashur, dans son tafsir, il dit non. Cette ayah, de par le contexte, ça parle seulement de Az-Zawjain, qui sont humains. Le mâle et la femelle, ça veut dire l'homme et la femme. لِأَنَّ سِيَاقَ الْكَلَامِ لِلْاِعْتِبَارِ بِبَدِيعِ صُنْعِ اللَّهِ وَذَلِكَ أَشَدُّ اتِّفَاقًا فِي خِلْقَةِ الْإِنسَانِ. De un, il dit parce que le contexte des ayats, c'est pour nous pousser à être émerveillés par la création d'Allah Azza wa Jal. Et ça, ça commence avant tout dans la méditation à propos de la création de nous-mêmes, l'être humain. Et aussi, il dit وَلِأَنَّ اَعْتِبَارَ وَلِأَنَّ بَعْضَ الْأَزْوَاجِ مِنَ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ لَا يَتَخَلَّقُ مِنْ نُطْفَةٍ بَلْ مِنْ بَيْضٍ وَغَيْرِهِ. Et que aussi, certaines autres créatures qui viennent d'un couple, mâle et femelle, certains animaux ou des plantes ou autre chose, ne viennent pas nécessairement d'une nutfa, d'une goutte de sperme, ça peut venir d'un œuf par exemple ou autre chose. Mais vu que juste après ça, Allah Azza wa Jalla, il parle de an-nutfa, de cette goutte à partir de laquelle l'être humain il a commencé, et ça c'est la ayah 46, min nutfatin idha tumna, là ça confirme que, selon l'imam Ibn Ashur bien sûr, que les ayats ça parle de l'être humain, mâle et femelle, l'homme et la femme, humain. Allah Ta'ala dans la ayah 46, il dit subhanahu wa ta'ala, min nutfatin idha tumna ay khalaqa as-sinfayni. الذكر والأنثى من نطفة مني. Allah Ta'ala il dit qu'il a créé l'être humain, que ce soit le mâle et la femelle, à partir de cette nutfa. C'est quoi un nutfa? Les ulama ils disent dans la langue arabe al-ma'u as-safi, c'est de l'eau qui est pure, une goutte d'eau qui est pure. Et les ulama ils disent, contrairement à ce que plusieurs, surtout personnes de nos jours, utilisent dans ce qu'on appelle la science, bien sûr la science quand elle est enseignée en arabe, les ulama ils disent, comme l'explique l'imam Shinqit rahimahullah, c'est que le mot nutfa dans la langue arabe, ça fait référence à l'eau de l'homme et à l'eau de la femme, et pas seulement l'eau de l'homme. وَهُوَ الْمَاءُ الَّذِي يُخْلَقُ وَيُقَدَّرُ مِنْهُ الْوَلَدُ. Ce qui est la goutte d'eau à partir de laquelle un enfant va naître. Allah Azza wa Jalla va le créer à partir de cela. C'est pour ça qu'il a dit subhanahu wa ta'ala مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَا أَيْ إِذَا تُقَدَّرُ إِذَا تُخْلَقُ. Lorsque Allah Ta'ala il crée cette nutfa, et il crée à partir de cette nutfa un être humain qui est complet. Comme ils disent ici dans la langue arabe, قال علماء اللغة منا الله الشيء إذا خلقه وأصل مني أو مني يدل على تقدير شيء ونفاذ القضاء به وماء الإنسان مني أي يقدر منه خلقته. Donc ici les ulama ils disent que le mot, encore une fois, mania, la racine, elle vient de décréter, décider, créer quelque chose, initier quelque chose. C'est pour ça que cette eau à partir de laquelle l'être humain il commence, elle s'appelle al-mani. Allah Azza wa Jalla aussi dans surat al-qiyamah, il dit أَيُحْسَبُ الْإِنسَانُ أَيُّتْرَكَ سُدَى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْفَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ أي على بقادر على أن يحيي الموتى. Ça c'est dans sourate Al-Qiyama. C'est le même message. Ça parle de, des phases de la création de l'être humain. Que l'être humain, ça a commencé par une nutfa, tumna, que Allah Ta'ala il a créé cette goutte d'eau, et que ça se termine par l'existence d'un homme et d'une femme, des hommes et des femmes. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, bien sûr, dans le contexte de cette ayah, il nous rappelle que ce contraste-là, encore une fois, c'est parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. خَلَقَ هَذَيْنِ الصِّنْفَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ خَلْقًا وَمِزَاجًا وَعَقْلًا وَفِكْرًا خَلَقَهُمَا مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ. Allah Ta'ala, il a créé ces deux créatures, le mâle et la femelle, malgré qu'ils sont très différents dans leurs idées, dans leur aql, leur raisonnement, dans leur physique, et ainsi de suite. Allah Ta'ala, il les a créés les deux à partir d'une nutfa, d'une seule goutte. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِهِ جَلَّ وَعَلَى. Et ça, encore une fois, c'est une référence à la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la suite, bien sûr, je ne vais pas lire ici tout le texte, c'est que Cheikh Uthaymin rahimahullah ta'ala, il fait référence, il critique lourdement les idéologies qu'on appelle idéologies contemporaines ou modernes qui veulent mêler l'homme à la femme et faire de la femme un homme et de l'homme une femme et annuler complètement la différence entre ces deux créatures qui sont des créatures que Allah Azza wa Jalla a créées différemment de par leur nature et que aussi Allah Subhanahu wa Ta'ala a donné des rôles différents et qu'on ne peut pas mêler les deux. وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْفَى. Alors il dit ici, وَالْأَمْرُ وَاضِحُ. Bien sûr, la chose, elle est très évidente. Même pas besoin normalement d'un cours et d'un rappel sur cela. Mais il dit là, كِنَّ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَمْ يُوَفَّقُوا وَسَلَبَ اللَّهُ عُقُولَهُمْ. Allah Ta'ala, il leur a fait priver le bien de leur raison. وَأَضْعَفَ أَدْيَانَهُمْ. Et ils sont affaiblis dans leur dîn, dans leur foi. يُرِيدُونَ أَنْ يُلْحِقُوا النِّسَاءَ بِهِ الرِّجَالِ. Ils veulent faire des femmes, la même chose que comme les hommes. Ça, c'est contraire à la création d'Allah Azza wa Jalla. Ayat numéro 47, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. Et que c'est sur lui. Quand on dit عَلَى, qu'est-ce que ça veut dire dans la langue arabe? Quand on dit عَلَيْكَ, qu'est-ce que ça... Une obligation, une responsabilité. C'est clair. Donc, ala, ça peut faire référence à une supériorité physique. Quelque chose est sur ma tête. Aliya, quelque chose qui est sur moi physiquement. Ou ça peut faire référence à une, un devoir, une responsabilité. Allah Ta'ala, il dit, wa anna alayhi, et que c'est sur lui, an-nash'ata al-ukhra, la création finale. Ça veut dire, les ulama, ils disent, ay al-khalq al-thani lil-ba'th yawm al-qiyamah. La deuxième création. Allah Ta'ala va nous recréer une deuxième fois. Pour al-qiyamah, pour le jour du jugement dernier. Fayu'idahum ahya'an ba'da mawtihim yawm al-qiyamah. Kayfa takfuruna billah. Wa kuntum amwatan fa ahya'kum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'um. Dans sourate al-Baqarah. Les phases de l'être humain. Vous étiez mort, on n'existait pas. فَأَحْيَاكُمْ. Allah vous a donné la vie. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ. Après Allah Ta'ala va nous donner la mort. ثُمَّ يُحْيِيكُمْ. Après ça, Allah Ta'ala va nous redonner la vie pour qu'on revienne auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَالْأُخْرَ هُنَا إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْقَادِرَ عَلَى الْأُولَى قَادِرٌ عَلَى الْآخِرَةِ. Vu que Allah, pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal, il dit وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى. Pourquoi la dernière création? Et si c'est une indication, un rappel, que celui qui a créé la première fois, il peut créer une deuxième fois, encore une fois, parce que les mouchriquins rejetaient Al-Ba'th. Ils disaient أَإِذَا كُنَّ عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّ لَمَبْعُثُونَ. On va devenir poussière. Rien du tout. Comment est-ce qu'on va réexister? Allah Ta'ala, c'est lui qui a créé la première fois. C'est lui qui va recréer la deuxième fois. Subhanahu wa ta'ala. Comme dans sourate Ar-Rum, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayh. عبر بما يقتضي أنه لما تقدم به وعده على جميع ألسنة رسوله صار واجبا عليه بمعنى أنه لا بد من كونه لأنه لا يبدل القول لديه لا غير ذلك. طيب pourquoi alors est-ce que Allah عز وجل il dit ici وأن عليه, que c'est sur lui subhanahu wa ta'ala. Comme on a dit, le mot sur, على, ça peut faire référence à une responsabilité, un devoir. Est-ce que Allah عز وجل il a des obligations? طيب. Et si dans Aqidah, il parle de ça, les sectes, les Mu'tazila et tout, mais Ahl-Sunnati wal-Jama'a, ils expliquent très simplement que Allah Ta'ala, il a des obligations qu'il s'est décrétées sur lui-même. Il n'y a personne qui oblige Allah Azza wa Jal des choses. Mais Allah Ta'ala, awjaba ala nafsihi Al-Adl, Allah Ta'ala, il s'est écrit sur lui-même qu'il n'est jamais injuste. Haram tu'd-dhulma 'ala nafsi. Allah Ta'ala s'est interdit la justice à lui-même. Et de ce fait, Allah Ta'ala, il a promis et il a déjà écrit que le jour du jugement dernier, ça va arriver. Que ça, c'est inchangeable. La yubaddalu al-qawlu ladayhi subhanahu wa ta'ala. Il l'a déjà informé toutes les nations avant nous à travers leurs messagers qu'il va y avoir le jour du jugement dernier et que ça, ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas comme lorsqu'on dit Allah Azza wa Jal, il menace de punir certains croyants pour leurs péchés, mais s'il veut, subhanahu wa ta'ala, il va leur pardonner. On voit quelqu'un, on va dire, ah, toi, tu as fait quelque chose de mal. Si tu ne fais pas tawbah, tu risques gros. Si Allah, il veut te pardonner, si Allah, il te pardonne. Ce n'est pas de mes affaires. Mais yawm al-qiyama, le jour du jugement dernier, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, il va avoir al-qiyama, incha'Allah, si Allah, il veut. Allah, déjà écrit, c'est indiscutable. Qiyama, elle va arriver. C'est une certitude. Et ça ne va pas changer. C'est pour ça que Allah Azza wa Jalla ici, là, le ta'bir dans cette ayah, wa anna alayhi, et que c'est sur lui. C'est son devoir qu'il s'est obligé envers lui-même, subhanahu wa ta'ala, awjaba ala nafsihi, qu'il va y avoir le qiyama. Ayah numéro 48, wa annahu huwa aghna wa aqna, et que c'est lui. Tout ça, c'est des signes d'Allah ta'ala. C'est Allah qui fait, c'est Allah qui crée. Et que c'est lui qui a arna wa aqna. Donc arna, c'est très facile à comprendre. C'est il a enrichi. Allah Ta'ala va dire arnani Allah min fadlihi. Allah, il m'a enrichi. C'est lui qui a enrichi. C'est lui qui enrichit ses serviteurs. Arna. Wa aqna. Alors là, la différence, elle est seulement dans une seule lettre. Il y a arna et il y a quoi? Aqna avec le qaf. Arna, elle est facile pour toute personne qui connaît un peu d'arabe, va savoir, ça vient de l'rina, la richesse. Mais aqna, c'est quoi? C'est moins évident. Alors les ulama, ils disent ay a'tahum qunyatan yaqtanunaha min usul al-amwal wa ma yadakhirunahu ba'da al-kifayati min qunyati al-mal wa huwa kasbuhu wa iddikharuhu yuqalu aqnahu Allahu malan. Donc là, la qunya, c'est quoi? C'est plus que la richesse de base. Parce que la richesse, c'est pas comme on la comprend aujourd'hui. De nos jours, quand on dit « il est riche », c'est quoi « il est riche » ? Il s'est enrichi. C'est quoi « il s'est enrichi » ? De nos jours, c'est « il est très fortuné ». Mais dans la langue arabe, c'est pas nécessairement ça. On dit « arnaak Allahu min fadlihi ». Ça peut être très fortuné, mais pas nécessairement. Ça peut être, ça veut dire, tu n'as pas besoin de tendre ta main. Tu n'es pas dans le négatif. Ça veut dire, tu es bon, tu es aisé, tu es à l'aise. Ça, on appelle ça quoi? Ça, c'est rina. Mais aqna, c'est plus que ça. L'aqna, c'est celui qui a, donc ça, c'est le rina, il est à l'aise, minimum. Al-qunya, aqna Allah Ta'ala, il lui a donné encore le plus. Il peut épargner, garder de côté, ainsi de suite. Il a en abondance. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, il enrichit ce qu'il veut, de sorte à ce que la personne soit aisée. Et Allah Subhanahu Wa Ta'ala, il accorde à qui il veut l'abondance, le plus encore. C'est pour ça qu'il dit ici, bye. Ça, c'est selon un tafsir, ok? Mais là, Tahir ibn Ashur, il fait référence à d'autres tafsirs. Il dit que, selon d'autres opinions, أَقْنَا ضِدُّ مَعْنَا أَغْنَا رَعِيًا لِنَظَائِرِهِ الَّتِي زَاوَجَتْ بَيْنَ الضِدَّيْنِ وَلِذَلِكَ فَسَّرَهُ ابْنُ زَيْدٍ وَالْأَخْفَشُ وَسُلَيْمَانِ تَيْمِي بِمَعْنَا أَفْقَرَ وعن مجاهد وقتادة والحسن أقنى أخدم فيكون مشتقا من القن وهو العبد أو المولود في الرق فيكون زيادة على الإغناء وقيل أقنى أعطى القنية وهذا زيادة في الغنى وعن ابن عباس donc là l'autre opinion donc regardez ici Tahir ibn Ashur il va plus vaste il analyse les différentes opinions mais selon la langue arabe donc on a dit opinion 1 il y a Arna et il y a Aqna qui est le plus. Opinion 2, que lui, il choisit cette opinion. Aqna, ici, ça peut faire référence dans la langue arabe, et ça, c'est fréquent dans la langue arabe, qu'il y a des mots qui peuvent, selon le contexte, disent la qui peuvent vouloir dire la chose et son contraire. Comme Salim, c'est quoi Salim? Saint, en santé. قلب سليم في بدن سليم lorsque quelque chose. Mais dans la langue arabe aussi, peu utilisé, salim, ça peut vouloir dire aussi malade, complètement le contraire. C'est clair? Donc là ici, aqna, ça peut venir de al-qunya, mais ça peut venir aussi de sens de aqna qui est la pauvreté. C'est lui qui a appauvri. Tahir ibn Ajur, c'est ça l'interprétation qu'il adopte. Pourquoi? Il dit parce que le contexte des ayats ici, c'est quoi? C'est le contraste, la chose et son opposé. Allah Ta'ala, c'est lui qui donne la vie et la mort, c'est lui qui a créé le mâle et la femelle, c'est lui qui fait rire et pleurer, c'est lui qui aussi, il a aghna et qui a aqna, subhanahu wa ta'ala. Une autre opinion, il dit que certains ulama, ils disent aqna, ça vient de al-qin. Al-qin, c'est l'esclave. Donc, c'est lui qui a fait de certaines personnes des esclaves. Il y a des gens qui sont nés esclaves comme ça ou qui sont pris comme esclaves dans la guerre. Donc, ça peut faire référence ici la même chose à la pauvreté, à la faiblesse, au pire de la faiblesse ou de la, ou de la pauvreté. Et il y a une autre opinion intéressante ici qui est quoi? L'opinion de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui dit « Aqna arda ». Aqna ay arda, c'est celui qui t'a donné la satisfaction. Ay arda alladhi aghnahu bima a'tah aw aghnahu hatta ardah fayakun ziyadatan fi al-imtinan. Donc là, un autre mot, un autre sens du mot aqna, c'est quoi? Aqnaytuka, je t'ai satisfait. Maintenant tu es satisfait. Ça veut dire Allah Azza wa Jalla, il a donné à des gens la richesse en abondance jusqu'à ce qu'ils soient quoi? Satisfait. Et ça, ziyada fi l'imtinan. C'est de la grande ni'ma d'Allah Ta'ala, que Allah Ta'ala, il t'a enrichi. Mais parfois, Allah Ta'ala, il va t'enrichir jusqu'à un seuil où tu seras satisfait. J'ai plus besoin de rien. C'est clair. Et il dit Abdullah ibn, il dit Ibn Atiyya dans son tafsir, وَالْقَنَاعَةُ خَيْرُ قُنْيَةٍ وَالْغِنَى عَرَضٌ زَائِلٌ فَلِلَّهِ دَرُّ بْنِ عَبَّاسٍ. Ibn Atiyya, qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit الْقَنَاعَةُ خَيْرُ قُنْيَةٍ. Il n'y a pas une possession meilleure que la qana'a. C'est quoi la qana'a? C'est la satisfaction. Donc quand on parle ici de al-qana'a, de la satisfaction, on est en train de parler de la valeur perçue de la richesse. Parce que la richesse peut être une richesse matérielle abondante, mais la personne n'est pas satisfaite, elle est frustrée. Ça ne va pas complètement accomplir le bienfait de la richesse. Mais si Allah Ta'ala te donne une richesse, même peut-être moindre que la richesse d'autres, et que Allah Ta'ala il met dans ton cœur quoi? Al-qana'a, la satisfaction. Il dit ça, c'est la meilleure richesse. Parce que la richesse matérielle, elle vient et elle part. La satisfaction du cœur, elle reste. Ayah numéro 49. Allah Azza wa Jalla, il dit وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى. Et que c'est lui, c'est Allah Ta'ala, qui est le seigneur de الشِّعْرَى. C'est quoi الشِّعْرَى? اسم نجم في السماء كان ناس في الجاهلية يعبدونها. Il s'agit d'une étoile dans le ciel qu'il y a certaines personnes dans la jahiliya qui l'adoraient. Ils adoraient cette étoile. Ils ont fait de cette étoile une divinité. أي وأن الله تعالى هو خالق نجم الشعراء المضيء ومالكه ومدبر شأنه. الله تعالى il leur dit que c'est Allah le seigneur de cet astre que vous adorez. Cet astre ne mérite pas l'adoration. وأول من سن للعرب عبادة الشعراء رجل اسمه أبو كبشة. Le premier homme à avoir introduit cette idée d'adorer l'astre de Al-Shi'ra, c'est un homme dans Al-Jahiliya qui s'appelait Abu Kabsha. فَخَالَفَ قُرَيْشًا فِي عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ وَعَبَدَ الشِّعْرَ وَلَمْ تَعْبُدِ الْعَرَبُ مِنَ الْكَوَاكِبِ غَيْرَهَا فَلِذَلِكَ عُيِّنَتْ. Il nous dit ici les ulama que les Arabes, c'est pas documenté que les Arabes de Quraysh dans la Jahiliya, un peu avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas vraiment documenté que c'était des gens qui adoraient beaucoup les astres. C'était pas eux, c'était plus, comme on a mentionné quoi? L'adoration des statues, les pierres, les arbres et tout. Bien que oui, ils faisaient certaines formes de shirk reliées aux astres, comme le fait d'attribuer la pluie à tel ou tel autre astre, mais ce n'était pas leur divinité quoi? Principale. Ce n'était pas que, non, on doit faire salat nuit et jour et adorer. Tout celui qui a besoin de quelque chose, il doit se tourner vers cette étoile. C'était pas des abadat ou kawakib. Et le premier homme à avoir introduit cette idée, c'est un homme qui s'appelait Abu Kabsha dans Al-Jahiliya. C'est lui qui a inventé cette bid'a, cette religion de diviniser l'étoile. C'est clair. Et le shirk, comme on le dit toujours, le shirk, inna shirk ala dhulmun azim, peu importe ce camp. Et pour qu'on ne parle pas seulement des Arabes en parlant dans la Jahiliya, qu'il ne faut pas vivre dans un autre monde que le monde qui est devant nous, pas juste vivre dans un autre monde, mais subhanallah, quelqu'un m'a envoyé cette semaine une photo dans l'un des pays arabes, dans un centre d'achat en fait, un grand centre d'achat, où ils ont mis une grande... C'était pas seulement une publicité, c'est vraiment un objet comme ça de promotion en 3D qui a été mis au centre du centre d'achat, au milieu comme ça des passages, du passage des gens, où c'est une marque de parfum française qui dit comme ça, en des grands mots comme ça, quelque chose de grandes lettres, bien visibles, aussi plus grand qu'une personne en fait, en termes de taille. Ça dit « Nothing is more divine than a woman ». Il n'y a rien de plus divin qu'une femme. Ça c'est « Shirk Akbar » clair dans ta face, qui se passe devant nous, pas dans le Jahiliya, ça fait 15 ou 16 siècles, vous comprenez ? Dans un grand pays arabe. Ou l'iyadu billahi subhanahu wa ta'ala. Donc bref, ici, oui akhi. Non, ça c'est avant l'islam. Oui, ça c'est dans le Jahiliya, avant l'islam. Et c'est pour ça qu'il dit ici, pourquoi est-ce que Allah Ta'ala a mentionné cet astre en particulier? C'est parce que les Arabes, c'est le seul astre qu'ils ont, les Arabes de l'Arabie, pas tous les Arabes, mais les Arabes qui étaient proches du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la seule étoile, seul astre qu'ils ont adoré. C'est pour ça, c'était pas de leur culture. Avant, au début de l'ayah, ça a parlé de Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat, les pierres qu'ils adoraient. Mais là, à la fin, vu que c'est un shirk moins présent chez eux, Allah Ta'ala l'a mentionné quand même. Ayah numéro 50. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى. Et que c'est lui, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala qui a détruit, qui a démoli, qui a puni Aad, la première Aad. Alors, c'est qui Aad? Aad, c'est la tribu, c'est une tribu, encore une fois, dans l'Arabie, qui était la tribu du peuple, du prophète Hud, alayhi as-salam. Il les a invités vers Allah Azza wa Jal, ils ont refusé, kafaru, se sont rebellés contre leur prophète, Allah subhanahu wa ta'ala les a punis. لَمَّا سْتُوفِيَ مَا يَسْتَحِقُهُ مَقَامُ النِّدَاءِ عَلَى بَاطِلِ أَهْلِ الشِّرْكِ. Donc là, toute l'essentiel de la sourate, la plupart de la sourate, ça parle de quoi? De shirk, du polythéisme, du fait que ces gens-là, les Arabes, ont refusé d'accepter, de suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les adillas sont là, les rappels sont là, les instructions sont claires. Mais à la fin, Allah Azza wa Jal, il leur lance aussi un avertissement, une menace, pas seulement de l'adhab de l'akhirah, mais aussi de l'adhab de ad-dunya. Wa kana mu'dhamu sha'nihim fi hadhihi ad-dalalati shabihan bi sha'ni umam ash-shirk al-ba'ida. Il commettait du shirk qui était semblable au shirk des nations avant eux. Fa dhukira min tilka al-umam ashharuha 'inda al-arab. Allah Ta'ala n'a pas mentionné toutes les nations qui ont péri. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ. Il y a plusieurs nations que Allah Ta'ala, civilisations que Allah Azza wa Jal a détruites de par le passé. Mais Allah Azza wa Jal, il a cité les histoires que eux connaissent très bien, les Arabes. Ça, c'était connu dans leur histoire. Ils connaissent l'histoire de Ad, l'histoire de Thamoud, l'histoire du peuple de Nuh, alayhi salam, ainsi que le peuple de Lut, alayhi salam. C'est eux qui sont cités ici dans cette sourate. طيب, pourquoi est-ce que Allah Azza wa Jal appelle le peuple? Pourquoi est-ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala il les nomme Aadan al-Ula, Aad la première? Est-ce qu'il y a eu une deuxième Aad? Allah Ta'ala il dit c'est Allah qui a détruit Aad la première, Aadan al-Ula. Y a-t-il une deuxième Aad après cela? Donc ça, il y a certains savants qui disent qu'il y a une deuxième Aad, un deuxième peuple qui s'appelle aussi Aad plus tard. Et ça, c'est l'opinion de Al-Tabari, par exemple, et de Al-Wahidi. Mais cette opinion-là a été rejetée par Ibn Atiyya et Ibn Ashur, entre autres, disent parce que les Adam et Wujud et Dalil, il n'y a pas de preuve historique qu'il y a eu un deuxième peuple par la suite qui s'appelait quoi? Aad. Et de ce fait, l'opinion, la justification, l'explication la plus juste, c'est celle qui dit que, comme il dit Ibn Atiyya, rahimahullah ta'ala, que la majorité disent « لأنها في وجه الدهر وقديمه فهي أولى بالإضافة إلى الأمم المتأخرة » De un, parce que le peuple de Aad, il est assez ancien. C'est pas mal au tout début de l'histoire de l'humanité. Parmi les toutes premières nations à être détruites. Donc, relativement, comparé aux nations après, elle est quoi? Aad, la première, au tout début. وقال ابن عاشور معنى كونها أولى لأنها أول العرب ذكرا وهم أول العرب البائدة وهم أول أمة أهلكت بعد قوم نوح. Parce que il s'agit de la première nation arabe qui a été détruite par Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi il s'agit de la première nation à avoir été détruite après le temps de Nuh alayhi salam, après le peuple de Nuh alayhi salam. C'est clair? Donc c'est pour ça que Allah Ta'ala il l'a nommé ici Aadan al-Oula. C'est pour ça ici Ibn Uthaymin il dit al-Oula wasfun kashifun wa laysa wasfan muqayyidan. C'est un adjectif qui explicatif et ce n'est pas un adjectif restrictif. C'est pas pour dire qu'il y a Aad numéro 1 et Aad numéro 2. Non, il y a un seul Aad, mais cet adjectif là de al-Oula il est venu pour les décrire qu'ils étaient avant tout le monde. C'est pas pour dire qu'il y a une deuxième. Ayah numéro 51, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى » Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il a détruit le peuple de Thamoud. Peuple de Thamoud, bien sûr, c'était le peuple du prophète Salih, alayhi as-salam. « فَمَا أَبْقَى » Et il n'a rien laissé. Ça veut dire Allah ta'ala n'a épargné personne parmi eux. Le peuple de Thamoud, ils ont tous été détruits. Wa Thamoud fa ma abqa, il ne reste rien de eux. Aya numéro 52, oui, Akhi. On sait comment ils ont été détruits. Par exemple, avec le peuple de Nuh, on sait. Oui, on sait. Le peuple de Aad, c'était par le vent. C'était comme une tempête, par le vent, oui. Et Thamoud, c'était par Sayha, comme un cri qui a fait trembler la terre et qui les a déchirés en quelque sorte. Oui. Oui, c'est pas des géants. La sœur elle dit, est-ce que c'est vrai que Aad c'était des géants? C'est pas dans le sens des géants au sens où ils étaient des super humains, quelque chose de sorte de la fiction. Non, mais c'était Allah Ta'ala décrit dans le Coran qu'ils étaient extrêmement forts, puissants physiquement. C'est pour ça qu'ils étaient leurrés par leur puissance. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً Ils ont dit, qui est plus fort que nous? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ وَأَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً Numéro 52. وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى Allah Ta'ala, il dit, et aussi le troisième cas, c'est le cas du peuple de Nuh avant eux. Le peuple de Nuh aussi a été détruit par Allah subhanahu wa ta'ala, et le peuple de Nuh إنهم الله تعالى il dit certes ils étaient أظلم plus injustes. Le ظلم c'est quoi? C'est l'injustice. Ils étaient plus injustes وأطغى et plus transgresseurs. Ça veut dire ils étaient pires, le peuple de Nuh, ils étaient pires. وأن الله تعالى أهلكهم بالغرق, bien sûr peuple de Nuh, de Noé, ils ont été détruits par Allah عز وجل par le déluge. Et ils étaient bien sûr les premiers à être détruits. Le premier peuple à être détruit, c'était le peuple de Nuh alayhi as-salam. Kanu ashadd dhulman. Ils étaient les pires dans leur injustice. A'zama kufran. Les pires dans leur kufr. Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il met de l'emphase? Pourquoi étaient-ils ces gens-là si pires que ça? Même comparé à ces autres nations, قال ابن عطية لأنهم سبقوا إلى التكذيب دون اقتداء بأحد قبلهم. Parce que de un, ils étaient les premiers à avoir initié comme ça ce takdhib, ce reni, ce rejet de leur prophète. Aucune nation avant eux n'a fait ça. Il n'y a pas eu une nation avant eux qui a osé s'opposer à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, « كانوا في غاية من العتو وكان عمر نوح قد طال في دعائهم » Nuh alayhi salam a passé combien de temps à les inviter vers Allah azza wa jal? 950 années. Ils ont longuement vécu. On peut imaginer combien de mal ils ont fait à Nuh alayhi salam, ces gens-là, pendant 950 années. Combien d'adversité ils ont démontré contre le haq, la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kanu azlama wa atgha. Alors Ibn Ashur, il dit, soit que innahum kanu azlama wa atgha, comme on peut le comprendre a priori, ça veut dire le peuple de Nuh, ils étaient pires que les autres nations, encore pires que Ad et que Thamoud et que Al-Mu'tafikat qawmu Lut. Et l'autre interprétation ici, كانوا أظلم وأطغى من قومك الذين كذبوك. L'autre interprétation ici, c'est que, non, ils étaient, ça parle des quatre nations. Ils étaient pires, que ce soit Ad, Thamoud, peuple de Nuh, ainsi que Al-Mu'tafikat, ils étaient pires que ta nation à toi, qui sont Quraysh, les ennemis du prophète Muhammad alayhi salatu wa As-salam. Donc là, c'est de un, c'est une tasliya pour alléger émotionnellement le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, qu'il y a eu des prophètes avant toi qui ont fait face à pire que ces gens-là. Et en même temps, Wallahu a'lam, peut-être que c'était en même temps quelque chose de positif cité au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça s'est avéré que est-ce que Quraysh, ils étaient pires que le peuple de Nuh, pire que le peuple de Ad, pire que le peuple de Thamoud? Non. Quraysh, Allah Ta'ala ne les a pas anéantis. Allah Azza wa Jalla a anéanti leur tête, surtout dans la bataille de Badr, comme on connaît dans la Sira. Mais après ça, l'essentiel de Quraysh, ils ont fini par accepter l'islam et suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, porter l'islam. Et les muhajirines, c'est qui? C'est les sahabas de Quraysh qui sont les meilleurs des sahabas et sont devenus les soldats, les protecteurs de l'islam et avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi de suite. De ce fait, malgré tous les ennemis comme Abu Jahl et Abu Lahab et ainsi de suite, le kufr des Arabes n'était pas comme... n'avait pas atteint le kufr des nations de Nuh alayhi salam et de Lut et ainsi de suite, qu'au final, Allah Ta'ala les a juste quoi anéanti. Il n'y avait pas de bien dans eux, c'est clair. Pour ça que Nuh alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez. Nuh alayhi salam, il a dit quoi dans son dua, dans sourate Nuh? Qu'est-ce qu'il a demandé à Allah Azza wa Jalla? Là, c'est un prophète d'Allah, il ne fait pas dua juste par colère. Il fait dua suite à une constatation précise, claire, véridique. Et après ça, innahum lan yalidu illa fajiran aw kafara qala nuh rabbi la tadhar 'ala al-ard min al-kafirina dayyara innaka intadharhum yudhillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Il dit Nuh alayhi salam, après toutes ces longues années, Allah ne laisse aucun kafir sur cette terre, efface-les tous, parce que si tu vas les laisser, ils ne vont donner naissance qu'à un fajir et un kafar. Il a vu ça, Nuh alayhi salam, que ces gens-là, leur nature, c'est fermé, c'est fêlé, c'est scellé, c'est fini. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit lorsque Jibril alayhi salam, il lui a dit que les gens de Taif, je peux les écraser maintenant. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit? Non. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il espérait que de leur descendance, il va y avoir des gens qui vont adorer Allah subhanahu wa ta'ala, qui vont être des croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien vu, alayhi salatu wa sallam. Donc la nature des kuffars de Taif, malgré le mal qu'ils ont fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas comme la nature de al-kuffar de du peuple de Nuh alayhi assalam. والمقصود بيان شدتهم وقوة أجسامهم فإنهم لم يقدموا على الظلم والطغيان الشديد إلا بتماديهم وطول أعمارهم ومع ذلك ما نجا منهم أحد فما حال من هو دونهم من العمر والقوة. Les ulama, ils disent que pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il dit إنهم كانهم أظلم وأطغى. Ils étaient pires dans leur injustice et ils étaient plus tyran, transgresser plus aux limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est aussi un message, un avertissement aux Arabes que ces gens-là, s'ils avaient causé tellement de tort, c'est parce que ils étaient forts et beaucoup plus forts que vous. Et ils avaient de longues vies, ils ont vécu très très longtemps. Vous êtes plus faibles, ya kuffar Quraysh, ne soyez pas leurrés par votre puissance ou par autre chose, parce que Allah ta'ala peut vous détruire comme il a détruit les nations du passé. Ayah numéro 53, Allah Ta'ala, il dit « وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى الْمُؤْتَفِكَ » Allah Ta'ala, il nous parle d'un peuple que Allah il nomme « Al-Mu'tafika ». « Ahwa » Ça vous rappelle quel mot qu'on a vu souvent dans cette surah, selon les racines ?« Hawa »« مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا » وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. Lorsque, on a dit quoi? Najm, c'est l'astre qui va descendre, chuter. Et on a dit quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْتِقُ عَنِي الْهَوَى. Parle pas de ses passions. Parce que la passion, ça fait chuter la personne. Ici, Allah Ta'ala, il a détruit ce peuple-là de Al-Mu'tafikat, ayah numéro 53, par la chute. أَهْوَى. Il a fait chuter. Ahwahu, ça veut dire il l'a lancé vers le bas. C'est qui Al-Mu'tafikat? Ibn Atiyya, il nous dit que ça, c'est le peuple de Lut, alayhi salam, bi-ijma'in min al-mufassirin, à l'unanimité entre les savants de tafsir. Pourquoi? Parce que le peuple de Lut, alayhi salam, al-makhsouf bihim, allati i'tafakat bi-ahliha, ay-inqalabat fasara a'laha asfalaha. La punition du peuple de Lut, c'est que Allah Ta'ala les a levés. Ils ont été quoi? Portés vers le ciel, renversés et jetés vers le bas. Wa ma'na al-ittifaq fi al-lugha al-inqilab. Le mot ittifaq, ils sont mu'tafika, ça vient du mot ittifaq, et le sens de al-ittifaq, c'est quoi? C'est le renversement. À l'envers. وأصل أفك يدل على قلب شيء وصرفه عن جهته. Peut-être والله أعلم qu'ils ont mérité cette punition et ils ont mérité cet attribut à l'ittifaq parce qu'ils ont renversé la fitra comme Allah subhanahu wa ta'ala il l'a créé. Ils ont renversé la nature de ce monde. Allah subhanahu wa ta'ala les a punis par quoi? Le renversement et la chute. Ils ont suivi leur hawa, ils ont suivi leur passion. Allah Ta'ala les a fait chuter. Ay wa qaryata qawm Lutin asqataha Jibril wa ja'ala 'aliyaha safilaha tarahaha min hawa'in 'alin ila asfal. Le village du peuple de Lut, nous disent ici les ulama, que Jibril alayhi salam l'a porté vers le ciel, l'a renversé et l'a jeté vers la terre, comme قال الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلها وقال سبحانه في سورة الحاقة وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. Certains ulama disent pourquoi est-ce que peuple de Ad, il s'appelle peuple de Ad, c'est les gens de Ad. Peuple de Thamoud, Thamoud c'est relié au lieu. Là où ils habitaient un lieu qui s'appelait quoi? Thamoud. Ad, c'était pas le lieu. Eux, ils s'appellent. On voit la différence ici. Parfois, on appelle le peuple par ce qu'ils sont. Parfois, on va les appeler par où est-ce qu'ils vivent. Il y a la tribu de tel qui habite au Koweït. On peut les appeler soit par le nom de leur tribu, Al-Mutayr, Ou on peut dire ils sont des Koweïtiens, selon le lien où ils, selon le lieu où ils vivent. Donc là, le peuple d'Ad a été cité par son nom en tant que peuple. Le peuple de Thamoud a été cité par le lieu. Qawm Nuh, bismil Qawm. Même chose, le peuple de Nuh, eux ils sont qui? Et Al-Mu'tafika, Allah ne les a pas cités ici dans cette sourate, qu'ils sont le peuple de Lut. Allah, il les a appelés quoi? Al-Mu'tafikat. Limada, comme ils disent certains ulama, parce que le peuple de Thamoud, le lieu de Thamoud, ainsi que le lieu de Al-Mu'tafikat, était connu par la suite, même après la punition, après leur disparition, les gens les appelaient celui-là de le lieu de quoi? Al-Mu'tafikat. Alors, ils disent ici les ulama. لِيُعْلَمَ أَنَّ الْقَوْمَ لَا يُمْكِنُهُمْ صَوْنُ أَمَاكِنِهِمْ عَنْ عَذَابِ اللَّهِ وَلَا الْمَوْضِعُ يُحَصِّنُ الْقَوْمَ عَنْهُ. Écoutez, c'est très intéressant. Ils disent ici parce qu'ils doivent savoir, les gens doivent connaître que ni le peuple ne peuvent se protéger par leur lieu contre la punition d'Allah, ni le peuple ne peut protéger son lieu contre la punition d'Allah Azza wa Jalla. فإن في العادة تارة يقوى الساكن فيذب عن مسكنه وأخرى يقوى المسكن فيرد عن ساكنه. C'est que dans la vie, c'est un peu d'histoire militaire en quelque sorte. Parfois, c'est le peuple qui est fort et qui est capable de défendre son territoire, son lieu. On est fort, on est puissant. Il n'y a personne qui pourra entrer dans notre territoire. Parfois, le peuple est faible, mais il est protégé par son territoire, par la géographie. Par exemple, il y a des peuples, des nations qui ne sont pas si fortes que ça, mais c'est difficile de les avoir à cause de la géographie. Ils sont dans un lieu où ils sont bien protégés par des montagnes et une géographie qui est pas mal blindée. Ou ils ont bâti un lieu qui les protège. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَا Allah. Ce ne sont pas des guerriers forts, mais ils ont des forteresses qui sont bien bâties. De ce fait, ils sont bien protégés à l'intérieur. Ou comme on l'a dit, parfois non, la géographie n'a rien qui peut les protéger, mais c'est eux qui sont forts, c'est eux qui protègent. Donc c'est soit le territoire, c'est soit le terrain qui te protège, ou c'est toi qui protèges le terrain par ta force. Il n'y a rien qui protège contre la punition d'Allah Azza wa Jalla. Ni le lieu, ni tu es quel peuple. Que ce soit un peuple fort, ou que ce soit un peuple faible, mais qui a la géographie, il n'y a rien qui protège contre la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah numéro 45, ou bien plutôt 54, excusez-moi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فغشاها ما غشا أي فغطى تلك القرية ما غطاها من الحجارة التي أمطرت عليهم غشا ça vient de التغشية. Ça vous rappelle quoi dans cette sourate? إذ يغشى سدرة ما يغشى. Au tout début, ça parle de سدرة المنتهى auprès d'Allah Azza wa Jalla. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu des merveilles. La sidra de l'Muntaha, elle était couverte par des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pouvait même pas nous décrire. Des couleurs qui sont indescriptibles, on ne peut pas les décrire avec des mots. Ça dépasse ce qu'on connaît nous dans Alam, quoi? Al-Shahada, dans notre monde à nous. Là, à la fin de la ayah, ça, à la fin de la surah, ça revient ici. فَغَشَّهَ مَا غَشَّهَ. Mais là, c'est quelque chose qui a été couverte par la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le peuple de Lut, Al-Mu'tafikat, ils sont ici, ils ont été couverts, inondés par ceux qui les a couverts. Marasha. Alors, c'est quoi Marasha? Ça, c'est expliqué, bien sûr, ailleurs dans le Coran. C'est Al-Hijara, des roches. Allah Azza wa Jal, il a fait descendre sur eux. Une fois qu'ils ont été renversés, Allah Ta'ala, il a fait descendre du ciel des roches qui les ont complètement recouverts. غشاها الله وألبسها يعني الحجارة في قول جميع المفسرين. Et ça c'est expliqué dans sourate Hud. Allah Azza wa Jal il dit: فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. La punition d'Allah Azza wa Jal, c'est que les hauteurs de leur ville, de leur territoire, de leur lieu sont devenus en bas. Le contraire, et après ça, Allah Ta'ala, il a fait descendre sur eux une pluie de roches, mina al-hijara. Et aussi dans sourate al-Furqan, وَلَقَدْ أَتَوْ عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ وَبَارَكَ عَلَى نَبِيْنَا مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِ